Il faut qu'on imagine ces phrases dans sa tête. Puis bobiner la chevillette. Pour enfermer la petite bébête. Les monstres à bois. 2-1-0, c'est nous les héros!